L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors que l'on devrait théoriquement les détecter, les neutrons très énergétiques du rayonnement cosmique, issus de sources galactiques, sont toujours aux abonnés absents. L'expérience iStop, située en Antarctique, n'en détecte aucun, comme d'autres expériences avant elle. Le champ magnétique galactique affecte fortement le parcours des particules chargées qui forment le rayonnement cosmique provenant de sources situées au sein de la galaxie. Ces particules sont défléchies du fait de leur charge électrique, ce qui les rend difficiles à définir en termes de provenance. Mais il est une particule, à l'instar du neutrino ou du photon, qui ne possède pas de charge électrique et qui n'est donc pas affectée par le champ magnétique. Le neutron. Des neutrons sont attendus en tant que particules secondaires dans les phénomènes d'accélération hadronique dans des sources astrophysiques de rayons cosmiques. Ils doivent être produits lorsque les rayons cosmiques primaires, des protons de très haute énergie, viennent interagir avec d'autres protons ou avec des photons, dans l'environnement proche et dense entourant leur zone de production. Par exemple, la collision d'un proton avec un photon produit un méson pi plus, un pion, et un neutron, qui emporte la quasi-totalité de l'énergie du proton incident. Une source compacte de neutrons de haute énergie doit ainsi se manifester comme une source ponctuelle dans le ciel. Comme la demi-vie du neutron lorsqu'il est seul, c'est-à-dire la période de désintégration de la moitié des neutrons par désintégration bêta, n'est que de 880 secondes, cela implique que les sources astrophysiques à l'origine des neutrons que nous pourrions observer se trouvent à une distance qui dépend de l'énergie des neutrons en question. La distance de la source des neutrons, exprimée en parsecs, est égal à 10 fois leur énergie exprimée en PeV, pétaélectronvolt. Les sources d'accélération de particules les plus probables dans le cadre de nos connaissances actuelles sont des pulsars jeunes, des étoiles à neutrons en rotation rapide. Et de tels pulsars, les plus proches de nous, se trouvent à une distance de 100 parsecs. Il faut donc rechercher des neutrons dont l'énergie est supérieure à 10 pétaélectronvolts. Plusieurs expériences se sont lancées dans cette recherche depuis plusieurs années. L'observatoire Pierre Auger, situé en Argentine, a investigué en 2012 et 2014 les flux de neutrons dans l'hémisphère sud pour des très hautes énergies au-delà de 10 puissance 18 électronvolts. Et n'a trouvé aucun excès de signal ni de corrélation possible avec des sources galactiques identifiées. Le Telescope Array, en 2015, a, lui, cherché les flux de neutrons dans l'hémisphère nord, au-dessus de 5 10 puissance 17 électronvolts. En vain. Il prenait la suite d'expériences antérieures, comme Casamia en 1998 et Cascade en 2004, qui n'avaient elles aussi, dans l'hémisphère nord, pu que fixer des limites supérieures sur les flux de neutrons. Une nouvelle étude vient donc de paraître consacrée à la recherche de neutrons de haute énergie issus du rayonnement cosmique, cette fois-ci avec un grand détecteur de gerbes de particules installé en Antarctique, au-dessus du grand détecteur de neutrinos IceCube. Ce détecteur de surface a été appelé iStop et est exploité par les chercheurs de la collaboration IceCube. Il emploie, comme son grand frère sous-glacier, le phénomène appelé effet Cherenkov, qui produit un cône de lumière visible lorsqu'une particule très rapide perd de l'énergie dans l'eau, quand sa vitesse dépasse la vitesse de la lumière dans l'eau, qui est, rappelons-le, 30% inférieure à ce qu'elle est dans le vide ou dans l'air. iStop est ainsi constitué d'une série de 81 stations réparties sur 1 km², chacune formée de deux cuves de 1,80 m de diamètre, remplies de glace. Hermétiques à la lumière, et chacune bardée de deux photomultiplicateurs de 10 pouces. Le plateau glacé sur lequel est installé iStop se situe à une altitude de 2835 mètres, ce qui permet d'être sensible aux composantes électromagnétiques et muoniques des gerbes de particules secondaires qui sont produites dans l'atmosphère par le neutron énergétique incident. iStop est ainsi en mesure de détecter des neutrons dont l'énergie est supérieure à 400 téraélectronvolts, c'est-à-dire 0,4 pétaélectronvolts. Une gerbe de particules secondaires est détectée lorsqu'au moins 3 stations sur les 81 sont touchées simultanément, dans une fenêtre temporelle de 5 microsecondes. Ensuite, les informations enregistrées dans chaque station, position, charge électrique et énergie déposée, durée du pulse, etc., sont traitées pour reconstruire la direction de la gerbe de particules, ainsi que la dimension de son extension spatiale, qui fournit une estimation de l'énergie de la particule primaire. Les physiciens de la collaboration IceCube ont effectué deux types de recherches de neutrons galactiques. Une recherche systématique sur tout le ciel, à la recherche d'un excès de neutrons, et une recherche ciblée sur des objets en particulier, déjà connus pour être des sources gamma et potentielles de rayons cosmiques énergétiques, dans le but de trouver une éventuelle corrélation. Les résultats qui sont soumis à The Astrophysical Journal ne révèle pas de présence de neutrons énergétiques. Que ce soit dans la recherche sur tout le ciel ou bien plus spécifiquement sur des sources identifiées, les seuls résultats que peuvent donner les chercheurs de IceCube sont des limites supérieures sur les flux de neutrons. Entre 100 pétaélectronvolts et 1 million de pétaélectronvolts, le flux énergétique de neutrons ne dépasse pas 1,2 électronvolts par centimètre carré par seconde. Aucune corrélation n'est observée avec des sources gamma, d'énergie de l'ordre du téraélectronvolt, qui pourraient théoriquement produire des neutrons de plusieurs pétaélectronvolts. Où sont donc ces neutrons prédits par la théorie ? La réponse la plus simple est que les objets à même de produire ces neutrons n'en produisent finalement pas à ces énergies. Il se peut également que ces objets astrophysiques soient plus éloignés que ce qui est estimé, ou encore qu'ils émettent des particules sous forme de jets dont l'orientation en direction de la Terre se trouve peu probable. Une autre piste soulevée par les auteurs de cette étude serait que le milieu entourant les pulsars, a priori à l'origine de l'accélération de ces particules, serait beaucoup moins dense que ce que l'on pense, et que de ce fait, les protons énergétiques s'échapperaient plus facilement et produiraient alors beaucoup moins de neutrons par interaction avec le milieu. Indirectement, la non-détection de neutrons galactiques permet aux spécialistes de mieux fixer les contours théoriques expliquant les autres types de rayonnement cosmique énergétique que sont les protons et les photons gamma. Elle permet également d'apporter des contraintes observationnelles sur des objets astrophysiques dont la connaissance n'est pas parfaite et de remettre en cause certains modèles. L'évidence d'une absence n'est pas l'absence d'une évidence. L'article de la collaboration IceCube a été soumis à The Astrophysical Journal et devrait bientôt paraître. Il s'intitule « Search for sources of high-energy neutrons with 4 years of data from the iStop detector ». Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr, le blog où l'univers des astroparticules se contemple indéfiniment. Vous retrouvez comme toujours cette émission sur iTunes, sur PodCloud et sur Stitcher. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, à très bientôt, bon ciel, salut !